إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله كلنا نعلم قدر ومكانة فريضة الصلاة في حياة الإنسان المسلم فهي عمود الدين وأساسه وشعاره وأسه ودثاره وهي الصلة بين العبد المسكين وربه جل وعلا والصلاة في دين الإسلام أم العبادات وأساس الطاعات ونهر الحسنات وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت نسأل الله من فضله صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله وهي من أعظم أسباب دخول الجنة بعد فضل الله ورحمته وهي العبادة التي لا يقبل الله من عباده صرفا ولا عدلا إلا إذا أقاموها وهي قرة عيون المؤمنين وراحة نفوس الموحدين لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة رواه أحمد والنسائي ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أرحنا بها يا بلال رواه أحمد وأبو داود ولا شك ولا ريب أن من أعظم الصلوات الخمس قدراً وشرفا وأجرا وفضلا صلاة الفجر التي يبدأ المسلم بها يومه والتي أجمع أهل العلم السديد والعقل الرشيد أن المحافظة على أدائها مع جماعة المسلمين في بيوت الله في الأرض كفيل بإذن الله بتجديد الإيمان وإحياء القلوب وانشراح الصدور ومضاعفة الأجور وهي الصلاة الوحيدة التي ينفرد آذانها قبيل نهارها بعبارة الصلاة خير من النوم نعم إنها صلاة الفجر التي انفردت عن غيرها من الصلوات بالعديد من الفضائل العظيمة والمنافع الكثيرة والمكاسب الجليلة وهي في هذه الخطبة سأستعرض معكم 10 فضائل لأداء صلاة الفجر مع جماعة المسلمين في المساجد ومنها الفضيلة الأولى وهذه الفضائل هي ذكرى كما يقول الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فهو ذكر لي أولا وذكر لكم جميعا لعل الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا ويرحمنا برحمته الفضيلة الأولى أن صلاة الفجر في جماعة تعدل من في فضلها قيام الليل وفقد صح عند مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وروى مالك بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتقد سليمان ابن أبي حتمة أو حثمة في صلاة الصبح، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لما لم أرى سليمان في الصبح؟ فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. الفضيلة الثانية أن صلاة الفجر في جماعة نور لصاحبها يوم القيامة. فعن سهل بن أبي سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الفضيلة الثالثة أن صلاة الفجر مع جماعة المسلمين أمان وحفظ من الله سبحانه وتعالى للعبد الذي يكون بعدها في ذمة الله وحفظه ورعايته. فعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. الفضيلة الرابعة أن المحافظة على صلاة الفجر في جماعة المسلمين ضمان للجنة بإذن الله تعالى. فعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. والبردان كما قال أهل العلم هما الصبح والعصر. الفضيلة الخامسة أن صلاة الفجر مع الجماعة حجاب للعبد عن النار، فقد صح عن أبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. الفضيلة السادسة أن صلاة الفجر مع الجماعة تعني حضور المصلي للصلاة المشهودة التي تسمى قرآن الفجر، لقوله سبحانه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمعنى أن صلاة الفجر هي الصلاة التي يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، ويخبرون الله سبحانه وتعالى بعدها عن حال عباده. ويؤكد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. رواه البخاري. الفضيلة السابعة أن الحرص على أداء صلاة الفجر مع الجماعة في المساجد براءة بإذن الله تعالى من النفاق، نعوذ بالله منه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك في إيمان رجل بحث عنه في صلاة الفجر، فإن لم يجده تأكد عنده الشك الذي في قلبه. فقد أخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي كعب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم قال: أشهد فلانا الصلاة؟ قالوا: لا. قال ففلان فقالوا لا فقال إن هاتين الصلاتين أي الصبح والعشاء من أثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء أسأنا به الظن. الفضيلة الثامنة أنه من غاب عن صلاة الفجر عرضة لأن يضرب عليه الكسل طول يومه مع شعوره بضيق في صدره يصبح خبيث النفس كسلان، وهو ما أخبر به الحديث الذي صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نائم ثلاث عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري. الفضيلة التاسعة أن راتبة الفجر وهي الركعتين قبل صلاة الفجر، يعني الركعتين قبل صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وجاء في بيان فضل هاتين الركعتين عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. رواه الطبراني. فإذا كانت راتبة الفجر القبلية قد بلغت من الفضل ما جعلها مخصوصة دون سائر الرواتب بالمحافظة عليها حضرا وسفرا، فكيف بفضل الفريضة نفسها؟ الفضيلة العاشرة أن صلاة الفجر وصية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ورضوان الله عليهم من بعده لأمة الإسلام. فعن رجل من النخع قال سمعت أبا الدرداء حين حضرته الوفاء قال أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. ورواه الطبراني في الكبير. فيا عباد الله، أين نحن من هذه الفضيلة التي هيأها الله سبحانه وتعالى لعباده وجعلها ميدانا لنتنافس ولنسارع للخيرات؟ وأين نحن من المحافظة على صلاة الفجر مع جماعة المسلمين لنيل عظيم الأجر والثواب؟ ولماذا نرى التقصير في شهود هذه الفريضة العظيمة في مساجدنا، ليس فقط هنا في هذه البلاد ولكن في العالم كله؟ يعني في صلاة الجمعة نرى المساجد مليئة، ولكن لو نظرنا إلى الحقيقة يعني في صلاة الفجر مثلا لرأينا الفرق العظيم في هذا الشيء. وكيف يعقل أن يفرط من له عقل رشيد في هذه الأجور الكبيرة؟ وهذا الثواب الرباني العظيم الذي يدل على كريم فضل الله وسعته في رحمته ولطفه بعباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على القيام بهذه الفريضة والتمسك بهذا الشيء المهم. ومتى نستشعر أهمية هذه الفريضة وندرك قيمتها ونعلم أن تركها أو التهاون في أدائها مع جماعة المسلمين يعني سمة من سمات المنافقين وعلامة من علامات الخاسرين، نسأل الله السلامة والعافية. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. serviteurs d'Allah, approchez-vous. Essayez de vous rapprocher, de vous coller les uns à côté des autres pour essayer de faciliter l'entrée pour tout le monde. Serviteurs d'Allah, ibad Allah, préservez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il vous a ordonné et en vous écartant de ce qu'il vous a interdit. Et sachez que le croyant, il dit la vérité, il doit dire la vérité, que ce soit pour lui ou contre lui. Et l'obligation pour nous les croyants, c'est de défendre et de dire la vérité et de clarifier la religion d'Allah pour les croyants et pour les musulmans, pour qu'on puisse savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, pour qu'on puisse le faire et pour qu'on puisse connaître ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, pour qu'on puisse s'en écarter et pour nous rappeler des choses qu'on connaît déjà et pour qu'on puisse justement le prendre plus au sérieux si on a fait preuve de négligence ou d'oubli. Parce que tous les êtres humains font face à ces choses-là, font face à ces réalités-là. Et en particulier, nous les musulmans, nous les croyants. Donc, on a besoin de se réveiller parfois ou de se donner à soi-même des chocs électriques pour essayer de réveiller le cœur qui dort ou qui est malade. Et parmi les choses qu'on constate, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré la prière, la salat. Et la salat, c'est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. Et donc, c'est d'une extrêmement grande importance parmi les obligations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées. Et d'établir les 5 prières par jour qui sont obligatoires, c'est un devoir pour le croyant. Peu importe qu'il travaille, peu importe qu'il soit en voyage, peu importe dans la situation, même s'il est malade, il est obligé de faire ces 5 prières. Et le fait de travailler, c'est pas un prétexte ou une excuse de les délaisser. Beaucoup de musulmans, par exemple, qui travaillent, ils disent « Ah, moi, je veux pas prier au travail, j'ai peur que mes collègues ou mon patron, il va me voir en train de prier, ils vont penser mal de moi, ils vont... » Donc, ils ont peur de se faire voir en train d'adorer Allah, leur créateur. Alors, ils se cachent, ou bien ils évitent de prier, et ils délaissent l'obligation. Et peut-être qu'ils vont les rassembler, les 5, et les prier d'un seul coup le soir quand ils rentrent à la maison, en pensant que ça c'est correct ou que c'est le moindre mal. En réalité, ça c'est inacceptable. Parce que les prières ont été légiférées dans des temps bien spécifiques et dans des temps bien précis. Et le fait que tu aies peur de ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas une excuse valable pour retarder ou négliger une obligation. Et parmi les bienfaits de la salat, il y a le fait que c'est le moyen par lequel le serviteur, il garde sa relation avec son créateur. Et donc, c'est le moyen par lequel il se purifie et il nettoie son corps et son âme 5 fois par jour. Et il se remet en question en se tenant devant son créateur pour lui demander pardon, pour lui demander la guidance, pour lui demander de l'aide. Et ça, chaque être humain, il en a de besoin, et il en a de besoin plus qu'il a de besoin que de l'air ou de l'eau. hein, pour manger et pour boire, parce que ça c'est plus important pour son âme que la nourriture et que l'eau qu'il peut boire. Et parmi les cinq prières, une prière en particulier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné avec beaucoup de mérite et beaucoup de bienfaits particuliers et spéciaux et exceptionnels qui sont spécifiques à cette prière, et c'est la prière de Fajr, qui est parmi les prières, une prière qui a été mentionnée, comme j'ai dit, avec certains mérites différents des autres. Et parmi les exemples de ce que les ulama ont mentionné par rapport à cette prière, il y a les bienfaits suivants, et je vais en énumérer quelques-uns. Parmi ces bienfaits, le fait que la personne qui prie la prière de Fajr à la mosquée en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit, hein, c'est comme s'il avait fait la prière de la nuit, pendant toute la nuit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie le Isha en groupe, il a prié, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Puis quand il prie en jama'a le Fajr, eh bien c'est comme s'il avait prié la nuit au complet. Et parmi les bienfaits également de prier Salat al-Fajr, il y a le fait que la prière de la nuit, c'est une lumière pour les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, annoncez la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans les ténèbres, hein, d'une lumière complète qui leur sera donnée au jour de la résurrection. Ça veut dire que la prière de Fajr, ici, bien entendu, on a de l'éclairage avec les lampadaires, l'électricité et tout. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens, quand ils partaient pour Salat al-Fajr et pour Salat al-Isha, eh bien, il n'y avait pas de lumière du tout. Il faisait noir, hein, dans la rue. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, donnez la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans les ténèbres, qu'ils auront une lumière complète au jour de la résurrection. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner une lumière avec laquelle ils vont marcher. Parmi les bienfaits de Salat al-Fajr et de prier en groupe à la mosquée, il y a le fait que celui qui fait ça, il sera sous la protection d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, celui qui prie la prière de Subh en groupe, il sera sous la protection d'Allah. Donc ça, c'est un grand mérite. Parmi les mérites également de Salat al-Fajr, il y a le fait que celui qui fait cette prière-là, Allah lui garantit le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, celui qui prie les deux prières qu'il a appelées al-bardain, il va rentrer au paradis. Et al-bardain, c'est al-subh ou al-asr. Un autre mérite parmi les mérites de la prière de Fajr en jama'a, c'est que c'est un voile qui va protéger le serviteur du feu de l'enfer au jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là, personne n'entrera dans l'enfer parmi ceux qui ont préservé la prière avant le lever du soleil et avant le coucher de soleil, c'est-à-dire le Fajr et l'Asr. Ces deux prières-là ont une valeur particulière. Hein? Salat al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mentionné dans le Coran comme étant Coran al-Fajr. Et il a mentionné que la prière de Fajr en jama'a, elle est assistée par les anges. C'est-à-dire les anges, ils sont présents et ils assistent à cette prière-là. Et il a dit, kana mashhuda. Mashhuda, c'est-à-dire les anges sont témoins de cette prière-là. Parce que à ce moment-là, ainsi qu'au moment de la prière de Al-Asr, que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé dans une autre sourate, Salat al-Wusta, hein, il a dit que à ce moment-là, les anges se relaient. Les anges de la nuit font le relais aux anges du jour. Et les anges du jour font le relais aux anges de la nuit. Alors, à ces deux moments de la journée, les anges, ils se relaient, donc ils sont réunis ensemble et ils sont présents et ils assistent à ces deux prières en particulier. Et Allah subhanahu wa ta'ala demande à ses anges comment avez-vous trouvé mes serviteurs? Ils disent, nous les avons trouvés en train de prier et nous les avons laissés en train de prier. C'est-à-dire au Fajr et au Asr. Donc ça, c'est ce qui nous montre les bienfaits de ces prières-là. Parmi les exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné aussi, c'est que le fait que quelqu'un ait le désir et l'intention et il fait beaucoup d'efforts pour prier la prière de Fajr, de l'aube à la mosquée, c'est une des choses qui va le préserver de l'hypocrisie. Parce que une des caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné au sujet des hypocrites, c'est que c'est la prière de Fajr et la prière de Isha. Ces deux prières sont les deux prières qui sont les plus difficiles pour les hypocrites, ou les deux plus lourdes. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que si il savait ce qu'il y a dans ces deux prières-là comme récompense, il serait même venu à quatre pattes pour assister à la prière. Donc ça, c'est pour montrer à quel point ces deux prières sont importantes. Et celui qui laisse passer la prière de Fajr, il risque d'être frappé par de la paresse. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que le shaitan, lorsque quelqu'un il dort, il vient attacher trois nœuds dans sa nuque. Et ces trois nœuds-là, il dit, tu as une longue nuit, alors dors. Alors, quand le matin arrive, s'il se réveille et qu'il se rappelle d'Allah, un de ces trois nœuds se détache. Puis s'il fait le wudu, un autre de ces nœuds se détache. Puis s'il fait la salat, le troisième nœud se détache. Sinon, il va se lever et son âme sera mauvaise, et il sera frappé de paresse. Et les deux prières qu'on fait avant la prière obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet qu'elles sont meilleures que la dunya et tout ce qu'il y a dedans. Donc si c'est le cas de la prière qui, les deux rak'at surérogatoires qu'on fait avant Salat al-Fajr, qu'elles ont cette valeur-là, alors que dire de la prière obligatoire elle-même? De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé, ainsi que les sahabas ont encouragé les musulmans à faire des efforts pour assister à la prière de Fajr. Et ça, c'est un rappel pour moi, et c'est un rappel pour nous tous, de cette importance-là, parce que quand on voit, par exemple, la prière de Jumu'ah, on est tous ici remplis, même on n'a même pas assez d'espace pour faire la prière, même que des fois, certains frères, ils arrivent à la fin, ils trouvent même pas d'espace. Pourtant, si vous revenez ici à l'heure de Fajr, vous allez voir que il y a à peine peut-être un ou deux rangs, et peut-être parfois trois rangs. Et ça, c'est pas seulement ici, c'est dans toutes les mosquées, et c'est même dans les pays musulmans, c'est une réalité. Ça veut dire que, c'est pas pour rien que le paradis, il a des degrés, et que les récompenses entre les musulmans ne seront pas la même, et pas tout le monde auront la même récompense au jour de la résurrection. Ceux qui font plus d'efforts, c'est sûr qu'ils auront des récompenses qui correspondent à leurs efforts. Et parmi les exemples de ça, il y a le fait de faire l'effort de venir prier à la mosquée, Salat al-Fajr. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force et de nous donner la santé et de nous donner la capacité pour être capable justement d'établir cette obligation et ce devoir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم